Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de la chambre, initialement diffusée pendant le premier confinement en mai 2020. Aujourd'hui, premier temps, Blaise Pascal, peut-on demeurer en repos dans une chambre ? Souvenez-vous, c'était le 13 avril dernier. Emmanuel Macron annonçait la date du déconfinement, le 11 mai. Mais c'est un déconfinement particulier, un déconfinement qui ne concerne pas tout le monde, notamment une certaine partie de la sphère culturelle, ni celle que l'on pourrait appeler, avec tout le sens philosophique que Blaise Pascal donne à ce terme, le divertissement, qui parfois prend la forme d'un vrai travail. Alors pourquoi le divertissement est-il nécessaire à nos existences ? Pourquoi la condition humaine ne nous permet-elle pas de vivre sans le divertissement ? Et pourquoi n'y a-t-il rien de plus difficile que de rester en repos, c'est-à-dire sans divertissement, dans une chambre ? La chambre, vous commencez à la connaître, votre chambre. Eh bien, c'est le thème de cette semaine et on commence ce matin avec Blaise Pascal. Attention, c'est passionnant et sans concession. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services. Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées, resteront en revanche fermés à ce stade. Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Au moins jusqu'à mi-juillet prochain. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Bonjour Pierre Guénantia. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie, depuis chez vous, depuis chez moi. Je suis ravie de vous accueillir à ce micro. On va pouvoir réfléchir ce matin aux raisons pour lesquelles vivre sans divertissement relève de l'impossible pour Pascal. On peut dire que Pascal est le penseur du divertissement. Que signifie ce terme pour lui ? Il signifie peut-être d'abord la diversion et ensuite la stratégie la plus rusée qui soit pour justement faire que cette diversion n'apparaisse pas comme une diversion, que le divertissement n'apparaisse pas comme un divertissement, mais comme quelque chose de sérieux, comme quelque chose de volontaire, et surtout comme quelque chose qui a sa fin en soi-même. Vous voyez, je joue pour jouer, comme disait Montaigne, je me promène pour me promener. Ce que veut dire Pascal dans ces grands fragments sur le divertissement, c'est que on se dupe soi-même, on se pipe soi-même, dit-il d'ailleurs dans le texte, en se faisant croire que on fait quelque chose par goût pour cette chose et seulement pour cela que d'une certaine manière notre activité, on va le dire d'une manière un petit peu barbare, elle est autotélique, c'est-à-dire qu'elle a sa fin en elle-même. Alors que tout le but de Pascal dans ce texte magnifique, c'est de faire une interprétation, on dirait aujourd'hui une sorte de lecture herméneutique, des différentes activités des hommes, mais toutes les activités, aussi bien les activités ludiques que les activités sérieuses, et qui le sont aux yeux de Pascal. Il ne s'agit pas de discréditer le sérieux de celui qui fait de la géométrie ou de celui qui va faire du commerce sur la mer, etc. Non, tout ça c'est sérieux. Simplement, tout ça est effectué dans le but d'éviter quelque chose. Un freudien dirait c'est une stratégie d'évitement, d'éviter quoi ? C'est le rapport à soi. Et c'est ça que veut dire le repos. Le repos, c'est une sorte de métaphore, du rapport à soi, c'est-à-dire finalement de la capacité de l'être humain à se regarder lui-même sans diversion, justement, sans obstacle, dans la plus grande transparence, d'une manière directe et sincère, se voir tel qu'il est. Eh bien, au fond, cette vue nous serait absolument insupportable, et c'est la raison pour laquelle tout ce qui nous en détourne vaut la peine d'être pratiqué, même si justement ça nous demande de la peine. Au contraire même, plus oui. Ça nous demande de la peine, et mieux c'est, en un sens, parce que ça donne à notre activité un sérieux qui, d'une certaine manière, en détourne la signification pascalienne, c'est-à-dire la signification profonde, qui est justement d'être un détournement, un divertissement. Il faut entendre ça quasiment au sens propre du terme, c'est-à-dire le fait de se détourner, le fait de se divertir. Quoi. Alors, il y a quelque chose de glaçant à lire ces textes. Vous l'avez dit, ce qu'on appelle divertissement, c'est le nom d'une liasse. On a appelé comme ça des papiers classés qu'a écrit Pascal, qu'on a regroupé sous le nom de pensées, selon diverses éditions. Ces pensées sont classées par liasse. Il y a une liasse qu'on a appelée divertissement, qui fait quelques pages. Et la lecture de ces pages provoque un effet vraiment, j'ai dit, glaçant, et c'est pas loin d'être le cas, tant Pascal nous contraint d'ouvrir les yeux sur une chose qui est insoutenable et qui est notre propre condition. Et au terme de cette lecture, et sans doute au terme de cette émission, on verra, nous prenons conscience que nous passons notre temps à nous fuir, à fuir notre condition, si bien que nous vivons en réalité dans une forme d'illusion. Ah, dans une forme complète d'illusion, oui, tout à fait, dans une auto-illusion, ce qui est encore la meilleure, c'est-à-dire c'est pas comme dans le marxisme où au fond les hommes sont aliénés, où il y a des appareils économiques, sociaux, idéologiques qui sont là pour produire de l'aliénation afin que les hommes puissent faire leur travail sans se révolter, en gros, hein, je vais très vite, hein. Tandis qu'ici, chacun est d'une certaine manière son propre illusionniste, si je puis dire, c'est-à-dire sans qu'il le sache. D'ailleurs, c'est pas tellement concerté, hein. Pascal accorde un grand prix à ce qu'on pourrait appeler déjà, si vous voulez, des pensées ou des stratégies inconscientes, c'est-à-dire qui se passent justement en dessous de la conscience, mais qui la détermine, cette conscience, sans qu'elle le sache et sans qu'elle veuille le savoir, d'ailleurs, ce qui d'ailleurs, au fond, pour lui, revient au même. Mais vous voyez, juste un mot encore sur les fragments que vous avez présentés, Adèle, hein, c'est... il faut dire que il compte parmi les plus longs fragments de Pascal dans les pensées. Les pensées sont souvent faits d'éclats comme ça, de pensées, de fragments très courts, très brefs, très percutants. Là, on a un développement comme on en a relativement peu. On en a avec le fragment sur le Paris ou le fragment sur l'infini. Mais vous voyez, ça fait 4-5 grands fragments qui sont, à mon sens, un des grands socles de l'ouvrage auquel pensait Pascal. Et qui aurait été évidemment un ouvrage beaucoup plus structuré, beaucoup plus complet, développé que les fragments des pensées. Mais c'est pour dire que je pense que c'est un des thèmes et un des développements qui comptait le plus aux yeux de Pascal, et c'est pas pour rien. Oui, d'ailleurs, vous leur avez consacré un ouvrage, Divertissement pascalien au pluriel, qu'on trouve aux éditions Hermann. Vous êtes par ailleurs professeur émérite d'histoire de la philosophie moderne à l'Université de Bourgogne. Vous avez travaillé sur Descartes, vous êtes venu à de nombreuses reprises parler de Descartes à ce micro, et quand vous avez écrit sur Pascal, c'est à travers ce prisme du divertissement. Et vous dites combien ce thème-là vous a donné de fil à retordre, tellement c'est à la fois implacable et compliqué. Alors qu'est-ce qui est compliqué? C'est de le voir en face ou de le définir? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué avec cette pensée du divertissement? Ce qui est compliqué, c'est de le réfuter. Ce qui est compliqué, c'est de comment lui donner tort sans simplement lui dire que bon, ça nous concerne pas. Bon, ce qui est facile, c'est quand même quelque chose qui nous poigne d'une certaine manière, hein, c'est qui nous met au défi justement de justifier notre conduite, de justifier notre pensée dans ce qu'elles ont de plus sincère, dans ce qu'elles ont de plus profond. Enfin, si on vient me dire que je fais de la philosophie ou que toute ma vie j'ai enseigné pour me divertir de ma condition, je serais en colère quand même, hein. Je serais pas content du tout, hein. Mais voilà. Et donc, devant quelqu'un qui me dirait ça, il faut que je trouve des arguments. Donc, c'est pour ça que ça m'a demandé beaucoup de fil à tordre. Et je suis pas sûr du tout d'avoir trouvé, entre guillemets, une réponse, si ce n'est finalement une réponse de style de Montaigne. Je me promène pour me promener. Chaque jour fait le bout de mon souci. Vous voyez, une sorte de carpe diem. L'homme n'est pas fait pour penser justement à l'avenir. ce serait peut-être une des manières de répondre à Pascal. L'avenir n'est pas un temps qui nous est propre, et par conséquent, le présent est sature d'une certaine manière notre esprit, et si on veut chercher plus loin, évidemment, on trouvera de l'insatisfaction. Bon, voilà, mais ça, c'est un peu un rapport entre Pascal et moi, ça concerne pas quand même beaucoup de monde. Oh, plus ça que vous pas. Ne le croyez. Alors, avant d'essayer de le réfuter, on va déjà lui laisser la parole. Oui. Pourquoi rester dans une chambre relève du supplice, voire de la torture? Ouais. C'est ce que semble affirmer Pascal dans ce texte que je vous propose d'écouter. Le texte est sublime et il est lu ici, pour vous, par Denis Podalydès. Quand je m'y suis mis quelquefois, à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, dans la cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, j'ai dit souvent que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Un homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer chez soi avec plaisir, n'en sortirait pas pour aller sur la mer ou au siège d'une place. On achètera une charge à l'armée si chère que parce qu'on trouvera insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne recherche la conversation et les divertissements des jeux que parce qu'on ne peut demeurer chez soi avec plaisir. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien effective et qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est un supplice si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une chose incompréhensible. Incompréhensible. France Culture, les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Cette phrase de Pascal s'applique exactement à la période que nous venons de vivre, que nous sommes en train de vivre. Pierre Guénantien, nous avons tous découvert qu'il n'y avait rien de plus difficile que de rester en repos dans notre chambre, précisément. Moi, personnellement, je trouve pas, mais bon, c'est le contraire, je trouve ça très, très agréable parce qu'on peut très bien travailler sans être dérangé, ni par les administrations, ni par les visites, ni par des choses comme ça. Ah oui, mais quand vous travaillez, vous n'êtes pas en repos. Ah voilà. Ce que dit Pascal, c'est que nous ne pouvons pas rester sans rien faire. On peut rien vous cacher. Voilà, c'est ça exactement. Le travail est une modalité du divertissement, vous le savez. C'en est même une modalité essentielle. Vous voyez, ce qu'il faut remarquer aussi dans ce texte, c'est le singulier, le divertissement. C'est-à-dire, c'est une catégorie, un genre, dans lequel, justement, Pascal met des activités qui sont différentes les unes des autres. Comme le jeu, comme la passion, comme l'exercice du pouvoir, comme le travail. Hein. Là, il fait une référence au géomètre, au mathématicien qui sut pour résoudre une question d'algèbre, histoire de montrer que c'est le plus fort, bon, et que justement il a vaincu quelque chose, et que comme ça il s'occupe, comme on dit, hein, qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'occuper, quoi, voilà. Toutes ces activités sont regroupées sous la catégorie singulière, unique, du divertissement. C'est ça, je crois, qu'on a souvent souligné, que la nouveauté de la problématique pascalienne, c'est d'avoir justement fait d'une pluralité d'activités des fractions d'une seule et même disposition qu'il appelle le divertissement, ce qu'on n'avait jamais fait avant lui. Avant lui, on parlait d'ennui, on parlait de diversion, on parlait d'occupation, on parlait de fuite de soi, de se fuir soi-même, etc. Mais on ne parlait pas du divertissement. Et je crois que, par ailleurs, ce texte va avoir une postérité considérable, pas sous la forme qui est celle de Pascal, mais sous la forme des concepts ou des notions d'aliénation, d'inauthenticité, de fuite de soi, de, vous voyez, l'existentialisme, hein, Kierkegaard, jusqu'à Sartre d'ailleurs, on peut considérer que la mauvaise foi est quelque chose qui ressortit un petit peu de ça, Heidegger avec l'existence inauthentique, Bergson avec le moi de surface, tout, au fond, bon, je ne veux pas faire des assimilations, alors, sans parler de Marx, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, oui. Et de la notion évidemment d'aliénation. Tout ça, à mon sens, je sais pas, ça vient pas forcément consciemment et directement de Pascal, mais disons que tout cela a un lien très fort avec justement la pensée de Pascal, qui est à la fois une pensée justement de l'activité humaine dans son caractère générique et pas dans son caractère sectoriel, hein, telle ou telle activité, telle autre, etc. C'est pas, hein, il fait pas de la sociologie, quoi. C'est, il fait de l'ontologie d'une certaine manière, c'est-à-dire il regroupe justement tous les genres d'êtres sous un seul et même concept qui est celui du divertissement. C'est pour ça que ce texte est à la fois central dans la pensée de Pascal et il est central dans la pensée tout court, si je puis dire, c'est-à-dire dans la pensée moderne et notamment dans la pensée de l'homme. Puisque c'est l'homme, au fond, bien plus que le moi, qui fait l'objet aussi, évidemment, de pensées célèbres, mais c'est l'homme, ici, c'est la condition humaine qui est en question et qui est en accusation. Et on peut peut-être même se demander si, comme beaucoup de pensées, ici, Pascal ne règle pas son compte, si je puis dire, avec Montaigne. Qui, peut-être, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans les confidences, mais en tout cas, c'est quand même, ça semble quand même très lié à cette réfutation, si vous voulez, de l'acceptation par Montaigne de la condition humaine. Pour moi, la vie est bonne, etc. Autant de thèmes d'ailleurs qu'on retrouvera chez Descartes. Peut-être que c'est aussi une manière de jeter une pierre, et une bonne pierre d'ailleurs, dans le jardin cartésien. Cartésien à Montaigne. Peut-être que c'est une façon de montrer que, au fond, les philosophes comme Montaigne et Descartes qui ont pensé l'homme ou la condition humaine, non pas comme étant heureuse, béate et niaise, mais comme étant autosuffisante, d'une certaine manière, hein, comme se suffisant à elle-même, et l'homme comme source d'un bonheur véritable, possible, peut-être que c'est cela qu'il cherche justement à rejeter, à contredire, à falsifier, dirait-on, au nom d'une lecture, ou du point de vue d'une lecture, justement, beaucoup plus herméneutique de la condition humaine, c'est-à-dire, au fond, qui ne consiste pas à écouter l'homme pour ce qu'il dit, mais peut-être aussi pour ce qu'il ne dit pas, oui. Et qu'il ne peut pas dire, et qu'il n'a pas intérêt à s'avouer à lui-même. C'est la distinction entre la cause et la raison que l'on trouve dans ce texte, parce que cette phrase que j'ai cité, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. On l'a beaucoup entendu au cours des semaines précédentes, notamment dans la bouche des philosophes qui voulaient expliquer pourquoi il était si difficile d'être confiné. Mais on omet souvent de mentionner la seconde partie qui est en fait l'explication, oui, de ce constat. C'est ça, la cause. Voilà, nous ne savons pas rester seuls en repos dans une chambre. La raison, en fait, c'est la condition humaine, notre bien condition sûr. Faible et mortelle, oui. Si misérable que rien ne peut nous consoler. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas rester en repos dans une chambre. Nous sommes inconsolables parce que existentiellement mortels, faibles et misérables. C'est ça. Et c'est une vue qu'on ne peut pas supporter parce que mortel et misérable, on peut penser que Pascal a pensé justement qu'on s'en était avisé avant lui. Et de l'Antiquité, il n'y a pas un philosophe stoïcien ou même épicurien, surtout épicurien d'ailleurs, c'est ceux qui craignent le plus la vie et la mort, qui n'ont pas dit justement que l'existence humaine, tatati tatata, bon, ça va, on connaît. Mais simplement que ce que dit Pascal, c'est que cette vue, quand c'en est véritablement une, elle est insupportable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à faire son deuil, d'une certaine manière, de la misère humaine, c'est-à-dire convertir, au fond, cette misère en condition normale. On ne peut pas naturaliser d'une certaine manière notre condition. On ne peut pas considérer qu'elle est naturelle, qu'elle est normale. Donc il faut l'interpréter, dire au fond pourquoi elle est anormale, pourquoi elle est dégénérée, pourquoi elle est dégradée, pourquoi est-elle insatisfaisante et malheureuse, et pourquoi ce malheur nous est-il justement insupportable, pas tant dans l'existence que dans la représentation de l'existence, dans le fait d'y penser, dans le fait de... Voilà, c'est... Au fond, voyez, c'est ce que d'autres philosophes peut-être appelleront l'angoisse devant le monde, devant le néant, devant le, justement l'impossibilité de la représentation. Peut-être que, ultimement, ce texte a pour objet, justement, pour raison, hein, vous le soulignez très bien, hein, il faut absolument suivre ce terme, l'impossibilité de la représentation de soi par soi. Je veux dire par là l'impossibilité pour les hommes que nous sommes tous de se représenter notre condition humaine commune, quelles que soient nos positions sociales, qu'on soit roi ou batelier, hein, ou le travailleur, hein, on pourra en parler aussi, quelle que soit cette condition, au fond, nous sommes embarqués, si je puis dire, et c'est une métaphore d'ailleurs assez pascalienne, nous sommes embarqués sur le même navire, et nous savons que ce navire ne peut aller que dans une seule direction, qui est la mort ou le néant, et au fond, pour éviter de regarder dans cette direction, ben, on se détourne, on regarde en arrière, on regarde sur le côté, on se regarde les uns les autres, on se trouve beau, on se trouve intéressant, on se trouve désirable. Tout ça pour, justement, ne pas regarder dans quel sens va le bateau qui va droit, non pas dans un écueil ou dans un iceberg, mais qui va droit au néant. Et c'est cette insupportable idée du néant dans lequel nous allons qui, justement, justifie les stratégies d'évitement, de détournement, de diversion, quelles qu'elles soient. Et ce qui est très curieux, tout de même, dans ce texte, c'est que, y compris les activités de travail, parce que, bon, vous pouvez dire, bon, le géomètre, après tout, pourrait faire autre chose, l'homme qui chasse pourrait aussi ne pas chasser, l'homme qui joue pourrait ne pas jouer. Je prends les exemples, hein, de ce texte-là. Mais l'homme qui travaille pour gagner sa vie, quand même, combien de fois n'entendons pas autour de nous des gens dire « Ah ben, si j'étais à la retraite, je serais heureux oui. ». C'est-à-dire, au fond, si j'avais un salaire, mais sans le travail, une pension d'ailleurs, on ne dit pas un salaire, hein, mais sans le travail qui va avec, je serais heureux. Ben, c'est, au fond, cela que conteste fondamentalement Pascal, et là, il faut user d'arguments plus subtils, hein, parce que c'est pas facile de dire à quelqu'un qui travaille et qui sue pour gagner sa vie et mal la gagner la plupart du temps, qu'en fait, il se divertit. On serait pas loin de l'insolence ici. Mais Pascal va jusque-là. Sa cohérence implique qu'il aille jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à dire aux hommes qui travaillent, qui suent, aux laboureurs, à l'ouvrier, aux soldats, leur dire, au fond, que leur condition ou leur pensée d'eux-mêmes serait bien pire si, justement, ils ne peinaient pas, ils ne suaient pas à gagner leur vie. Ça, c'est très important, parce qu'on présente Pascal comme étant le contempteur du divertissement, celui qui pense que le divertissement, est-ce qu'il nous éloigne de notre condition, qu'il le condamne. Au contraire, il dit que le divertissement est une stratégie d'évitement de notre propre condition, mais qu'il est nécessaire à notre survie, quasiment. Bien sûr, c'est une sorte de baume, d'antalgique, de, vous voyez, de quelque chose comme ça, de antidépresseur peut-être avant la lettre, ouais, qui justement nous permet de supporter notre condition. Alors d'accord, on la supporte pas par nous-mêmes, on n'en a pas les moyens de la supporter par nous-mêmes, mais on la supporte par des petits trucs qu'on a mis sur le marché, si vous voulez, pour justement pouvoir survivre et survivre de la manière la plus agréable. Donc ça n'est pas une critique du divertissement, c'est une, comme je disais, c'est une lecture herméneutique, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire, c'est pas, si vous voulez, comme l'aliénation, dont on peut dire ben, il va y avoir un au-delà, une libération, la révolution, les lendemains qui chantent, plus ou moins d'ailleurs, bon, non, on va, pas du tout, il n'y a pas de lendemain qui chante pour Pascal, il n'y a pas de révolution, il y a une situation qui est structurellement la même, quelles que soient les conditions historiques et sociales des hommes, et c'est pour ça qu'au fond, voilà, c'est... Vous voyez, Marx disait dans, je sais plus, je crois que c'est dans le manifeste, il parlait d'un monde qui a besoin d'illusions. Un monde qui a besoin d'illusions, ben, c'est exactement ça. Pascal parle d'un monde ou parle d'un homme qui a besoin d'illusions. Et donc l'illusion ici, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui va se dissiper avec la lumière du jour. Hein. L'illusion, elle est absolument incluse dans le fonctionnement de l'homme. Et sans cette illusion, la vie serait au fond insupportable, puisque c'est ça qu'il semble dire à travers la métaphore du repos dans une chambre. Ce qui est important, c'est bon, la chambre avec vous voyez la circonscription, quoi, c'est très étroit, on peut pas sortir, on est entre quatre murs. Bon, voilà, je vais pas insister là-dessus. Hein, mais c'est surtout le repos. Vous voyez, être en repos. Être en repos, ça veut dire non seulement, c'est pas comme je suis assis à mon bureau et je travaille. Non, non, ça c'est pas être en repos. Ça, c'est être en mouvement d'une certaine manière, ou plus exactement en activité. Le repos, c'est la non-activité. Mmh. Alors évidemment, il manquera pas de philosophes, je pense à Voltaire, voilà, pour leur dire, mais voilà, qu'est-ce que c'est que cet homme dont vous dépeignez les traits sous d'une figure qui est absolument étrangère à l'homme? L'homme est fait pour agir. Alors, auquel cas Pascal, car il n'est jamais à court de réponse, pourrait dire, oui, mais pourquoi justement il est fait pour agir et pas pour se reposer, entre guillemets, c'est-à-dire jouir de son être. Jouir de la vue et de la pensée de son nous maître. Ne sommes pas des êtres de repos, c'est ce que nous dit Pascal. Ça sert à rien d'essayer de trouver la sérénité dans le repos, puisque nous ne pouvons pas nous reposer, puisque ce repos nous est insupportable, car il nous met face à notre condition. En fait, c'est oui. Ça. Oui, mais il serait normal que nous... Alors, je ne peux pas utiliser l'imparfait du subjonctif. Allez-y, vous êtes en France Culture. Que nous nous reposassions, non. Il serait normal que nous nous reposions. On va s'arrêter là, il serait normal. Voilà, il serait normal. Ou plus exactement, Pascal se pose la question. Mais pourquoi, justement, on ne peut pas accepter le repos? Il ne suffit pas de dire, ce n'est pas dans notre nature, parce que ce n'est pas une réponse, hein, c'est une tautologie. Pourquoi on ne peut pas supporter l'état de repos? Pourquoi travailler? Pourquoi se divertir? Pourquoi jouer? Pourquoi? Pascal interprète tout ça comme une fuite de soi-même, c'est-à-dire une fuite, justement, le mouvement comme le recouvrement, si vous voulez, du repos, c'est-à-dire l'impossibilité, oui. Justement, de la stase. Hein, or, toute la vie de l'homme, c'est ça le temps aussi, c'est une vie extatique, c'est-à-dire qui sort, justement, de son lieu, qui sort de son repos pour essayer de franchir. Et alors on peut dire c'est le progrès, c'est l'activité, on peut pas vivre. Bon, très bien, tout ça Pascal le dit, et d'ailleurs il le dit et il le pense, mais il est plus percutant, si vous voulez, ou plus exigeant que ça, c'est-à-dire il cherche la raison de cela, et pas simplement le fait, mais aussi la raison, là. Oui. Pourquoi, quoi, la raison des effets, vous savez, c'est un des grands chapitres des pensées, peut-être même que ça donne la clé de toutes les pensées, c'est ce que Pascal appelle la raison des effets. C'est pas la cause des effets, c'est la raison des effets. Pourquoi, justement? Donc, il y a toujours un sens, d'une certaine manière, qui surplombe la causalité au sens linéaire et phénoménal du terme. Et ce sens, il est justement ni linéaire, ni phénoménal. Alors, on va avancer dans la lecture de cette liasse divertissement et on va essayer d'examiner un autre texte qui, après le portrait implacable que nous venons de dresser à la suite de Pascal, hein, de la condition humaine, oui. Apporte non pas une bonne nouvelle, parce que quand même on est chez Pascal, la seule bonne nouvelle qu'il puisse y avoir, c'est l'existence de Dieu. C'est un autre sujet, parce que quand même, ce qu'il décrit, c'est l'homme sans Dieu. Hein. Bien sûr, l'homme qui ne peut se regarder lui-même parce qu'il ne croit pas en Dieu. Mais bien sûr. Voilà. Mais dans cet état-là, face à cet ennui, on n'a pas encore prononcé le terme, mais oui. Il est quand même approprié. Bien sûr. Tout le monde est à égalité. Et Pascal y tient. Vous avez dit Pascal n'est pas sociologue. C'est vrai, mais il y a un Pascal politique. On peut en tout cas le lire ainsi. En tout cas, Pascal ici essaye de montrer que nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans la même situation et que finalement le privilège de ce qu'on appelle les puissants ne réside que dans ce divertissement et donc à ce titre, ils sont à égalité avec nous autres. Écoutez ce texte. L'homme, quelque plein de tristesse qu'il soit, si l'on peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant ce temps-là. Et l'homme, quelque heureux qu'il soit, s'il n'est diverti et occupé par quelque passion ou quelque amusement qui empêche l'ennui de se répandre, sera bientôt chagrin et malheureux. Sans divertissement, il n'y a point de joie. Avec le divertissement, il n'y a point de tristesse. Et c'est aussi ce qui forme le bonheur des personnes de grande condition, qu'ils ont un nombre de personnes qui les divertissent et qu'ils ont le pouvoir de se maintenir en cet état. Prenez-y garde, Qu'est-ce autre chose d'être surintendant, chancelier, premier président ? Sinon d'être en une condition où l'on a dès le matin un grand nombre de gens qui viennent de tous côtés pour ne leur laisser pas une heure en la journée où ils puissent penser à eux-mêmes. Et quand ils sont dans la disgrâce et qu'on les envoie à leur maison des champs, où il ne manque ni de biens ni de domestiques pour les assister dans leurs besoins, ils ne laissent pas d'être misérables et abandonnés, parce que personne ne les empêche de songer à eux. Qu'on en fasse l'épreuve, qu'on laisse un roi tout seul, sans aucune satisfaction des sens, sans aucun soin dans l'esprit, sans compagnie, penser à lui tout à loisir, et l'on verra qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Ah, Sing Sing, que ne pouvez-vous rester toujours auprès de moi? Oh, je suis jaloux quand vous partez loin avec tous ces beaux militaires. C'est la guerre, Sing. Oh, bah, c'est bien, mais c'est pas une raison. Oh, je m'ennuie à mourir, moi, dans ce palais. Oh, à propos, gentil Sing, et ce bouffon, vous me l'avez-y trouvé? Oh, sire, que je vous cause. Oui. On a fait passer des annonces. Dans le petit Aquitain libéré. Oui. Il y a une bonne personne qui m'a l'air fort intéressant. Ah, jeune? 20 ans, sire. Oh, oh. Un vrai tendron. Comme qui dirait une palombe, prisonnière de la cage d'un faucon. Oh, oh, oh, oh. Mais qu'il entre, qu'il entre. Venez, petit loup. Oh. Bonjour, sire. Bonjour, mon petit bonhomme. Oh. Vous habitez chez vos parents? Non, sire. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Étudiant, interne, externe? Manant, sire. Oh, manant. Oh, oh, beau cerf, fange biche. Le roi biche, c'est bon signe. Oh, s'il est bien habillé. Il est très bien, oui. Ah, oui. Écoutez, signe. Mon prochain costume de chasse, oui. Je me le ferai faire comme ça, oui. Avec des bouillonnés sur les épaules, oui. Un plis creux par devant et un petit rentré par derrière. Oh, oh, ça sera chou. Ça fait couture. Ça fait couture. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous me montrez là? Ceci, sire. Oh, ceci, sire. Oh, oh, ce qu'il est drôle. Qu'est-ce que c'est que cet instrument? Oh, oh, c'est un symbole. Oh, non, sire, c'est un bilboquet. Oh, il est bête. Oh, il est bête et charmant à son âge. Continuez, jeune homme. Allez, montrez-moi ça. Comment ça fonctionne? Allez, faisez, faisez, faisez. Allez, allez, allez. Comme ça, sire. Oui. Hop. Oh. C'est raté, sire. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de la chambre cette semaine entre enfer et paradis. Aujourd'hui, de la chambre chez Pascal, le philosophe Blaise Pascal, qui affirme bien qu'il est difficile pour l'homme de rester en repos dans une chambre en compagnie de Pierre Guédancia, qui participe à cette émission depuis chez lui, évidemment. Vous venez d'entendre un extrait du Roi s'ennuie de Jean-Marc Thibault et Roger Pierre, qu'on trouve dans l'album Vive le rire. Le Roi s'ennuie, c'est ce que dit Pascal dans le texte que nous avons entendu. Au fond, le texte nous dit bien, Pierre Guédancia, que le seul privilège du roi, c'est d'avoir davantage de divertissements à disposition pour ne pas penser à sa condition. Et donc ça change la perspective, disons, sociologique qu'on pourrait avoir sur la société humaine. Bien sûr, mais ça participe un peu de la critique générale de la politique, c'est-à-dire de la société ou de la condition humaine en tant qu'elle se donne des moyens de se réguler, de s'ordonner, de se perpétuer. C'est une critique, en un sens, de l'illusion. Dans les textes, dans les fragments politiques, Pascal parle de l'imagination, de la grimace, de l'habit, comme autant de choses qui, justement, font penser à des grandeurs qui sont imaginaires, mais sans lesquelles, justement, les hommes ne pourraient pas marcher. Au fond, encore une fois, c'est un monde qui a besoin d'illusions. Et de la même manière, la grandeur des rois et des puissants est une grandeur qui a besoin de pompe, besoin de montre, comme dit Pascal, c'est-à-dire qui a besoin d'artifice, car elle ne tiendrait pas par elle-même, parce qu'elle n'est inexistante. Il y a chez Pascal cette idée, qui est d'ailleurs très moderne et qui va partir comme un départ de feu, cette idée d'une égalité de la condition humaine, c'est-à-dire que l'on soit bateleur ou duc, pour reprendre les exemples de Pascal dans d'autres textes, les discours sur la condition des grands, d'une certaine manière, on est logé à la même enseigne. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui dépasse l'autre sur le plan de la valeur intrinsèque de la personne. Ou alors, s'il le dépasse, il s'agit d'une grandeur naturelle, mais pas d'une grandeur d'établissement, comme dit Pascal. Donc il y a cette idée d'une relativité des grandeurs sociales ou politiques, cette idée même d'un arbitraire, au fond, de la distribution des postes et des titres et des situations sociales, qui fait que voilà, c'est pas légitime. Il n'y a pas un fondement légitime, une justice, une légitimité quelconque sous, si je puis dire, l'édifice social, qui ne se soutient que de sa propre inertie et de la croyance qu'ont les hommes, le peuple, en sa légitimité. Mais Pascal sait bien que sans cette croyance, ce pouvoir s'effondrerait. Donc, je reviens au divertissement. Pourquoi les rois s'entourent-ils de gens, ou sont-ils entourés de gens qui les divertissent? Pourquoi ont-ils un emploi du temps chargé, qu'on peut pas avoir de rendez-vous, que l'agenda est plein, etc., etc. Pourquoi tout cela? Pour justement les empêcher de... C'est pas concerté, ça. C'est indirect. C'est une raison, c'est pas une cause. Pour les empêcher justement de considérer que finalement, tout roi qu'ils sont, tout puissant qu'ils sont et tout au-dessus des hommes qu'ils sont, ils sont comme les autres. Mortels, finis, susceptibles d'être angoissés et de s'ennuyer. Un roi sans divertissement, hein, c'est un beau roman de Jean Giono. Voilà, ils sont logés en un sens à la même enseigne. Alors que tout leur but, pourquoi ils sont là, c'est justement parce qu'ils pensent qu'ils sont pas du même ordre que les autres. Hein, ils sont d'une autre nature, d'une autre race, d'un autre lignage que le vulgus pecus. Eh ben non, voilà. Et au fond, tout ce dont les rois s'entourent, ou tout ce dont les rois étant bon, les puissants, quoi, si vous voulez, sont entourés et a pour effet de leur cacher la nudité d'une certaine manière de leurs conditions. Vous savez, c'est comme le roi est nu dans le conte d'Andersen, quoi. Voilà. Mais le propre des courtisans, c'est de faire penser au roi qui est nu qu'il n'est pas nu, mais qu'il est habillé, et parfaitement bien habillé. Donc il y a tout ce jeu d'illusions dont participe évidemment le divertissement, puisque, on l'a dit depuis le début de cette émission, le divertissement, c'est l'art, d'une certaine manière, de faire passer ce qui est illusoire pour de la réalité, pour de la vérité, pour du sérieux, pour quelque chose qui vaut la peine. Alors, il conteste pas que Pascal, ça vaut la peine de conquérir le pouvoir, ça vaut la peine d'avoir des conversations avec des femmes. Il veut sans doute dire courtiser. Ça vaut la peine de faire de la géométrie, il en a fait pas mal. Ça vaut la peine d'aller à la guerre, ça vaut la peine de chercher à avoir des charges, etc. Tout cela, oui, mais là, au total, voilà. Pascal nous attend, si vous voulez, au bilan de ses activités. Et après, il n'y a rien. Et c'est pour éviter justement cette vue trop profonde ou trop en avant que on met en un sens des œillères ou des barrages, pas des barrières parce que ça évoquerait trop de choses aujourd'hui, mais des barrages, en un sens des panneaux. Oui. Et au fond, on tombe dans le panneau avec beaucoup, beaucoup de joie et de plaisir parce que ça nous évite justement de voir ce qu'il y a au-delà ou à côté ou au-dessus du panneau, ou en dessous d'ailleurs plutôt. Ce qu'il y avait de terrible dans le constat que Pascal faisait de notre propre condition humaine, l'est un peu moins lorsqu'il s'applique au registre politique. Vous l'avez rapidement évoqué, mais c'est très important parce que cette faculté d'illusion qui nous permet de tenir en vie sans être complètement désespéré, disons-le, si elle est aussi à l'œuvre en politique, ça signifie que ce que nous tenons pour acquis, ce qui se fait passer pour légitime, n'est en réalité qu'une autre illusion, qu'une autre modalité de l'illusion. Et ça change complètement la conception que l'on se fait de la politique. Un tel est puissant, pas parce qu'il vaut mieux que moi, mais parce que tous ensemble, nous voulons croire qu'il y a des puissants, qu'il y a des riches, qu'il y a des gens qui sont supérieurs à nous, alors que de naissance, de condition naturelle, nous sommes tous à égalité. Il y a quelque chose ici de beaucoup plus vivifiant que le constat, disons, anthropologique de Pascal. Bien sûr, et de corrosif. C'est extrêmement corrosif, enfin, la pensée de Pascal, comme d'ailleurs celle du jansénisme, hein, qui va sans doute beaucoup plus qu'une autre contribuer justement hein, au développement des pensées révolutionnaires, des pensées de l'égalité, des pensées de la critique des monarchies, etc. Beaucoup plus peut-être que des pensées, disons, plus humanistes, ce que évidemment la pensée de Pascal n'est pas précisément. Bien sûr, il y a cet aspect-là, mais attention, parce que Pascal est un auteur à plusieurs entrées, d'une certaine manière. Hein. On ne peut pas l'attraper quelque part sans qu'il s'en aille ailleurs. Hein. Et là, il vous dirait, oui, il le dit d'ailleurs dans ce texte, dénoncer le divertissement comme tel, ou dénoncer l'arbitraire comme tel, dans l'ordre politique, c'est la moitié du chemin. Et l'autre moitié, c'est d'en comprendre la nécessité. Et à partir du moment où on en comprend la nécessité... C'est ça, c'est la différence entre l'habile et le demi-habile. Le demi-habile a conscience que nous sommes illusionnés. Ils veulent dire voilà. À tout le monde, l'habile sait que nous sommes voilà. Dans l'illusion, mais il sait aussi qu'il vaut mieux ne rien dire. C'est en cela que Pascal est peut-être corrosif, mais il est aussi conservateur. Ça dépend de quel côté on tire. Tout à fait, c'est les deux. Mais ça n'est jamais simple, Pascal. Hein. Il nous dit d'ailleurs de lui-même hein, qu'il ne peut jamais croire à une vérité si on ne lui présente pas la vérité contraire. Hein. C'est cette dualité entre deux vérités qui sont également vraies mais qui sont contraires, qui pour Pascal constitue justement le nerf de la pensée humaine. Des pensées séparées, des vérités séparées ne l'intéressent pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a cette critique, y compris dans ce texte. Il dit, je peux lire un passage du texte, c'est possible ? Je vous en prie. Voilà, alors il y en a qui se tuent pour résoudre un problème d'algèbre, et il dit, et enfin les autres se tuent, et on pourrait penser à lui d'ailleurs, et enfin les autres se tuent pour remarquer toutes ces choses, non pas pour en devenir plus sages, mais seulement pour montrer qu'ils les savent. Et ceux-là, ajoute-t-il, sont les plus sots de la bande, puisqu'ils le sont avec connaissance. Voilà. Donc, d'une certaine manière, Pascal, qui dénonce cela, enfin qui dénonce, qui le décrit en tout cas, qui l'explique, serait, en un sens, le plus sot de la bande. Il ferait partie des plus sots de la bande, c'est-à-dire de ceux qui, justement, se croient au-dessus du divertissement en dénonçant le divertissement. Mais justement, il ne l'est pas. Et il ne l'est pas parce qu'il ne le dénonce pas, le divertissement. Il en explique la nécessité. Et donc, il ne fait pas celui qui est au-dessus des autres et qui, lui, n'a pas besoin de divertissement parce qu'il connaît la vérité. Non, il est comme les autres. Et quand il dit qu'il connaît la vérité, c'est aussi une manière de se divertir. Donc, vous voyez, c'est comme en spirale, quoi. On n'échappe pas au divertissement. Pas plus en se divertissant du divertissement, si je peux dire. Hein, on n'y échappe pas. C'est quelque chose qui vous accompagne, qui vous suit continuellement. Qui fait partie de votre être, et on ne se défait pas de son être. Il nous accompagne. Pascal dirait, hélas, hein, voilà, on est suivi par soi-même, c'est-à-dire par l'homme que l'on est, et que l'on cherche à oublier dans sa vérité, difficile, malheureuse, dans sa vérité impossible à regarder. Donc il y a cette gradation qu'on trouve comme le peuple, les demi-habiles et les habiles. Le demi-habile, c'est celui qui se croit plus malin que tout le monde et qui dénonce justement les choses. C'est celui qui va crier, mais le roi est nu. Alors que l'habile va penser, non, c'est un monde qui a besoin d'illusions. Voilà, on retrouve la pensée de Marx. Et donc, si vous enlevez l'illusion, vous enlevez le monde aussi. Donc, c'est inséparable. Reste à savoir de quel côté se range le philosophe. Voilà, on va terminer avec un dilemme. Assez cruel, je dois dire, Pierre Guénantia. Vous avez prononcé le nom de Marx à plusieurs reprises dans cette émission. Et on va faire le lien, justement, entre la pensée de Pascal et celle de Marx à l'aide de ce texte que vous allez entendre dans un instant et qui va nous permettre de soulever une question. Au fond, faudrait-il préférer l'aliénation à l'ennui? Ou en d'autres termes, l'aliénation n'est-elle qu'une modalité du divertissement, ce qui rend la situation assez insoluble aux yeux de Pascal? Voici le texte lu par Denis Podalydès. Vous nous direz ensuite ce que vous en pensez, Pierre Guénantia. En quoi consiste l'aliénation du travail? D'abord dans le fait que le travail est extérieur à l'ouvrier. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne s'affirme pas, mais se nie, ne se sent pas à l'aise, mais malheureux, ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle, mais mortifie son corps et ruine son esprit. En conséquence, l'ouvrier n'a le sentiment d'être auprès de lui-même qu'en dehors du travail. Et dans le travail, il se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il ne travaille pas, et quand il travaille, il ne se sent pas chez lui. Son travail n'est donc pas volontaire, mais contraint. C'est du travail forcé. Il n'est donc pas la satisfaction d'un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu'il n'existe pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans lequel l'homme s'aliène, est un travail de sacrifice de soi, de mortification. L'activité de l'ouvrier n'est pas son activité propre, elle appartient à un autre, elle est la perte de soi-même. Cette semaine, Les Chemins de la Philosophie vous propose de redécouvrir notre série autour de La Chambre, Enfer ou Paradis, initialement diffusée pendant le premier confinement en mai 2020. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Pierre Guenantia, pour Marx, le travail aliéné entraîne une dépossession de soi, il faut donc abolir ce type de travail. Mais peut-être Pascal répondrait-il que cette aliénation est certes une fuite hors de soi, mais qu'ainsi elle permet d'éviter de se confronter à ce moi qui est haïssable, dit-il. Alors est-ce que l'aliénation est une modalité du divertissement ? Oui et non. Oui et non. En bon pascalien, vous répondez les deux, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. Oui et non. C'est une modalité, évidemment, du divertissement dans la mesure où ça nous détourne de quelque chose. Mais dans le cas de Marx, ça nous détourne d'une certaine manière de nous-mêmes, dont il semblerait que ce soit finalement la richesse principale de l'homme. Dans les manuscrits de 43-44, je crois que c'est le premier manuscrit, celui-là, celui qu'on vient de lire, il apparaît, c'est dans la droite ligne de Feuerbach, plus que de Hegel d'ailleurs, il apparaît au fond que pour Marx, la richesse de l'homme, c'est lui-même, que le soi est à lui-même sa propre richesse, et que ce soi, il est pour ainsi dire volé, dérobé, aliéné justement, dans le travail, considéré comme une activité étrangère. Dans le texte qui a été lu, très, très bien lu d'ailleurs, vous voyez, l'alternance, c'est entre le propre et l'étranger. C'est-à-dire que l'aliénation, c'est le fait de devenir étranger à soi-même. Et le travail est ce qui nous rend étrangers à nous-mêmes, et ce qui nous vole notre essence. Il y a toute une idée derrière ce texte, et d'ailleurs dans les autres textes, de l'essence humaine. Et de l'essence humaine comme étant quelque chose, si vous voulez, de positif. Il y a un humanisme absolu, d'une certaine manière, de Marx dans ces textes-là. Qui consiste à penser que la nature humaine ou l'homme ou le soi c'est quelque chose d'absolument c'est une richesse quoi si vous voulez et que c'est de cette richesse dont on est dépossédé dans le travail aliéné car il est pour ainsi dire toujours socialement un travail aliéné donc de ce point de vue l'aliénation et le divertissement sont deux concepts différents, même s'il y a des choses descriptivement semblables. Je crois que sur le plan de l'explication des causes, c'est fondamentalement différent. Parce que d'un point de vue marxiste, du point de vue de Marx, mais du point de vue de Pascal. Le but de Pascal, c'est de montrer justement que l'homme ne peut pas en un sens, il n'y a pas de richesse, si vous voulez, de l'homme. Il n'y a pas de substance. C'est pour ça que pour lui, l'aliénation ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle, parce qu'elle nous empêcherait de penser à nous-mêmes, voilà, justement. La différence étant que, en un sens, on a affaire, si vous voulez, à deux messianismes. Celui de Marx et celui de Pascal. Oui. Le messianisme marxiste, c'est un messianisme, si je puis dire, terrestre. C'est-à-dire qu'il viendra un moment où l'homme récupérera sa propre essence, aliénée dans le mode de production et dans les rapports sociaux. Chez Pascal, le messianisme, il est nécessairement extraterrestre. C'est-à-dire, c'est un autre monde, dans une autre temporalité, dans une autre vie, que l'homme, d'une certaine manière, pourra rentrer, d'une certaine manière, en possession de lui-même, et pourra se réjouir, d'une certaine manière, d'être ce qu'il est, et se réjouir éternellement. Enfin, on n'en sait pas grand-chose, mais voilà, c'est à peu près dans cette manière-là. Mais En ce sens, il y a une structure messianique commune à ces deux concepts, et sans laquelle ces deux concepts demeureraient inintelligibles ou comme ça, purement descriptifs, purement sociologiques. Voilà, c'est comme ça que les hommes vivent. Hein, c'est ainsi que les hommes vivent, oui, ben voilà, c'est comme ça. Mais quand on cherche une explication, il faut la trouver justement dans ce devenir, quoi, dans cette sorte de d'eschatologie, si vous voulez, qui est sans doute commun à la pensée chrétienne, en tout cas telle que Pascal la comprend et la développe, et la pensée marxiste. C'est pas pour rien qu'un philosophe contemporain, Michel Henry, a dit « Marx est le premier penseur chrétien de l'Occident ». Je pense que c'est exagéré, hein, c'est surtout un peu gros, quoi, comme affirmation, mais il y a quelque chose, quoi. Et ce quelque chose, il est dans le fait que l'un comme l'autre, Pascal aussi bien que Marx, pense l'homme dans une dimension eschatologique, et pas dans justement une dimension de présent, de contemporanéité, comme le fait Montaigne, comme le fait Descartes, entre autres. Donc voilà, je ne peux pas répondre d'une manière nette et catégorique en ce qui concerne ce recouvrement de ces deux notions assez proches d'aliénation et de divertissement. Mais je pencherai plutôt pour une différence fondamentale sur le fond, malgré tout, d'une pensée eschatologique. Merci beaucoup Pierre Guénantia. Merci à vous. D'être venu nous parler de Pascal ce matin en restant chez vous. Je renvoie les auditeurs à la lecture de votre livre Divertissement pascalien. Eh bien, bon repos à vous alors, puisqu'il vous est plaisant. Merci. Vous avez bien de la chance. Merci. Et à bientôt, j'espère. À bientôt, au revoir. On se quitte en chanson comme tous les jours. Aujourd'hui, La Chambre de Léo Ferré. On m'a prêté quatre vieux murs pour y loger mes quatre membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet, je suspendis aux murs en pente les diplômes que j'ai manqués et mes décorations absentes. Sur une table, les photos de celles qui se refusèrent. Sur des rayons, les in quarto des livres que je n'ai su faire. J'ai mis derrière les fagots les grands crus de notre royaume. Les Chambertins et les Margaux dont j'ignore jusqu'à l'arôme. Et dans un vaste coffre-fort, rangés en piles régulières, toutes les valeurs et tout l'or que j'aurais pu gagner naguère. Par la fenêtre se glissant, voici qu'un doux rayon bleuâtre est venu remplir mon théâtre d'un mobilier étourdissant. Voici des tapis d'ambition, voici des tentures de rêve. Voici qu'un rideau se soulève sur un chevalet d'illusions. Voici des coussins de serment couvrant des fauteuils de promesses. Et puis des colliers de tendresse et des bouquets de sentiments. Voici le mirage de l'art, voici des songes en rasade. Le divan de Sherazade et le clavecin de Mozart. La chimère en 4 secondes. Décorateur sur champ d'azur. A fait de mes 4 vieux murs la plus belle chambre du monde. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure de retrouver le regard et la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui est la suivante. L'atomisme est-il une philosophie encore valable ? Alors il y a quelques mois, quelqu'un avait lancé sur Twitter le concours suivant. Toute la science a disparu. Quel serait le tweet qui permettrait de la reconstruire en totalité ? La réponse la plus populaire était la suivante. Les atomes existent.